Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Oh, yeah. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. I'm the realest it gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not there. And you're by yourself. Man, the answer to your prayers. I'll give you the pleasure of heaven. And I'll give it to you hotter than hell. Hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven. And I'll give it to you hotter than hell. Ou presque, c'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Quel plaisir de vous réveiller encore une semaine de plus. On est en direct, il est 6h59, on est ensemble jusqu'à 10h. Je m'appelle David, c'est que du fun. Et avec moi, il y a Kaufman. Ça va, Kaufman? Bah oui, écoute, comme tu l'as dit, on est là jusqu'à 10h. Ce qu'il y a de drôle, puisqu'on doit se lever tôt, hein, c'est un secret pour personne vu qu'on est en direct. Ouais. C'est que. Oui. Et tu t'es levé à quelle heure, toi? 5h, 5h15. 5h15. Ouais. Je l'heure précise, 5h15. Ouais, à peu près. Ah ouais. Oui, quand même. Ouais, ouais. Je suis levé plus tard que toi, et donc. Ah bah c'est pas grave, hein, mais tout ça pour dire que quand on se lève si tôt. Eh bien, on croise des gens sur la route qui rentrent de sortie. Hein. Ah, t'as croisé du monde qui sortait de boîte? Ah oui, et pas que, parce que il y a plusieurs. Tu vois, les gens qui vont travailler, des gens, ouais, bien sûr, qui rentrent de sortie, des gens qui vont se coucher, des gens qui vont se réveiller, et c'est un mélange assez sympathique. Ça donne une ambiance un petit peu piquante. Moi, je viens de découvrir qu'il y a une vie la nuit. Je savais pas que les gens vivaient aussi la nuit. Écoute, moi généralement en semaine je dors la nuit, mais là c'est vrai que pour le coup c'est pas mal vivant. On est là aujourd'hui, en ce samedi, pour vous donner le meilleur de l'info jeu vidéo. On va râler et lever dans quelques secondes. On donnera de l'info internet, de l'info jeu vidéo, sans oublier bien évidemment les cadeaux. Que serait ce qui est du fun sans ces cadeaux dont tout le monde parle toute la semaine? Goodies et jeux vidéo sont au programme, au rendez-vous. Et la nouveauté qui n'a pas encore été gagnée, la Big Box, celle qui contient moult et moult cadeaux, hein. Ah oui, effectivement, la grande box Fun Radio qui contient 4 places pour le parc Astérix. On a rajouté des goodies jeux vidéo Smart Toys, 2 places de cinéma, et je dois rajouter quelque chose aujourd'hui. Je vais donc rajouter une journée détente au terme Grimbergen pour 2 personnes. Non. Ah si. À Grimbergen. Ah oui. Ah mais je connais en plus. Pour deux personnes. Hein. Ah mais c'est très très sympa. Il y a moyen de se détendre. Il y a du hammam, du sauna, du jacuzzi. Oh là là, c'est bien là-bas. C'est bien. Une journée. Hein. Une journée détente, je vous offre. Hein. Ah, ah oui. Ah, je rigole pas là. Attention, il y a des gros gros cadeaux. On va appeler au hasard d'ici 10h. Le Sarah Salov, tu l'as dit. Kaufman, tu vas lever sur quoi? Écoute, je vais lever sur Koh-Lanta. Sur Koh-Lanta? Ouais. Ah, intéressant ça. Et moi, je vais râler sur les grèves. Bon, comme d'habitude, quoi. Hein. Ouais. Je vais encore râler. Allez, là, c'est l'heure du journal des bonnes nouvelles. On est ensemble jusqu'à 10h. On est en direct, 7h01. Bon réveil, tout le monde. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous. L'an dernier, la France a exporté 1,243,739,646 litres de vin dans le monde. Après avoir connu une hausse rapide et régulière dans les années 2000, la consommation de vin a eu tendance à ralentir en Belgique, même si elle atteint encore 284 millions de litres en 2015. Et les vins français restent en première position, même s'ils souffrent de plus en plus de la concurrence d'autres pays, notamment l'Espagne. Si les vins de Bordeaux enregistrent à nouveau une baisse de leurs volumes écoulés sur notre marché, ils restent les plus prisés. La Belgique retrouve en 2015 sa place de première destination européenne des vins de Bordeaux. Elle n'est d'ailleurs devancée au niveau mondial que par la Chine. La Belgique est devenue la première destination des vins blancs de Bordeaux avec 30 000 hectolitres expédiés. Le village de Saint-Pierre de Frugy en Dordogne vit de nouveau des jours heureux parce qu'il a tout simplement misé sur l'écologie et la qualité de vie. Le maire a réussi à redorer le blason de son village en prenant plusieurs décisions. Il a tout d'abord décidé de supprimer tous les pesticides. Depuis, pas une haie ou un bosquet dont les fleurs ne soient visitées par des dizaines de papillons et d'abeilles. Le maire a aussi décidé de créer un jardin partagé qui accueille les visiteurs à l'entrée du village. Une épicerie bio où les agriculteurs locaux vendent eux-mêmes leur production a aussi été ouverte. Il ne se passe pas un jour sans que les gens appellent pour demander s'il y a des maisons à vendre à Saint-Pierre. Même l'école qui avait dû fermer ses portes a pu rouvrir. Voilà, rassurément, une bien belle histoire dont certains responsables politiques devraient sans doute s'inspirer chez nous. Le premier train zéro émission roulera dès 2018 en Allemagne. Il s'agit d'un train qui fonctionne avec une pile à hydrogène. Cette molécule couplée à l'oxygène donne de l'eau. Ainsi, le train sans émission ne rejette que de la vapeur et de l'eau condensée. Il remplacerait ainsi progressivement les nombreux trains diesel polluants et bruyants circulant encore sur les voies allemandes non électrifiées. D'un point de vue plus pratique, ce train bleu commercialisé par la firme Alstom a une capacité de 300 voyageurs. Il aura une vitesse maximale de 140 km/h et une autonomie de 600 à 800 km. Il s'agira bien d'un train régional à ne pas confondre donc avec les lignes de TGV à l'heure actuelle. Mais dans un monde où les énergies renouvelables et les innovations vertes ont le vent en poupe, on peut dire encore une fois que le progrès va bon train. En l'espace de 3 ans, un agriculteur britannique s'est fait voler 300 brebis. Fatigué de ses vols à répétition, il a décidé de prendre les choses en main et de teindre ses moutons en orange fluo. Une manière de rendre ses bêtes intouchables. En plus, la teinture tient environ 12 mois et n'est pas nocive pour les animaux. Et bonne nouvelle, c'est qu'on ne lui vole plus ses moutons. Du côté de la météo, pour conclure ce journal des bonnes nouvelles, on peut s'attendre à un week-end avec un temps assez mitigé, un ciel partagé entre la pluie et quelques rayons de soleil. Les températures se situeront entre 16 et 18 degrés suivant les régions. Un retour à un temps plus sec et plus ensoleillé est prévu pour le début de la semaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Big city, beautiful. Bienvenue sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 10h avec le son de Justin Timberlake. C'est le moment de râler ou de lever. On regarde toute l'actualité avec Kaufman toute cette semaine, on a tout regardé et on prend ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Et là, Kaufman, tu as aimé quoi, toi ? Bah oui, moi j'ai levé plus précisément sur Gabriel de Koh-Lanta. Vous en souvenez peut-être, c'était le gendarme namurois qui avait participé à la saison précédente. Eh bien, sachez qu'il mène son petit bout de chemin puisqu'il sera de retour bientôt sur TF1, donc sur nos petits écrans. Ah ouais ? Il est de retour en pleine forme, hein, le garçon, de son aventure thaïlandaise et Gabriel, il semble avoir pris goût aux caméras, puisqu'après un passage dans l'émission De quoi je me mêle et un spot pub pour la marche gourmande, le voici qui va faire ses premiers pas dans la future nouvelle série de la Une qui s'appelle Illégal. Son rôle, évidemment, un policier. Alors moi je dis un Belge en Koh-Lanta, c'était déjà plutôt bien, c'était un finaliste malheureux, bon ça c'est dommage. Mais là il continue et apparemment TF1 songe à lui pour plusieurs projets en développement. D'accord, et la série s'appelle Illégal. Donc ouais, en fait internet légal. Ouais. OK, pas mal, je connaissais pas. Je savais pas qu'il y avait une nouvelle série qui allait débarquer sur TF1. Je suis là pour t'apprendre des choses jusqu'à 10h, t'inquiète pas. C'est gentil, Kaufman. Moi, j'ai décidé de râler. Et oui, je râle sur les grèves à Bruxelles. Je sais pas si t'en as subi les conséquences cette semaine. Un petit peu quand même. Un petit peu, c'était jeudi, hein, Bruxelles était touchée, la STIB a connu des perturbations au niveau des bus, ça a mis le bordel à Bruxelles avec une énorme circulation. Forcément, Kaufman était bloqué dans sa voiture, j'imagine déjà. Il sort de Smart Toys, il veut pas rentrer chez lui, il râle. T'as dû râler, Kaufman, non ? Bah écoute, moi les embouteillages, ça me fait jamais plaisir. Déjà conduire, ça me fait pas plaisir à la base, mais alors les embouteillages encore pire. Ouais, c'est vrai. Et moi je suis un peu contre les gens qui font grève. Alors je dis c'est bien de faire grève, bien sûr c'est un droit, il faut faire grève, mais il faut aussi laisser passer les gens qui travaillent, les gens qui vont aller chercher les enfants, etc. Tu vois, là ils bloquent tout le monde, ils bloquent la circulation, ils bloquent les gens qui travaillent, et je trouve ça un petit peu honteux. Donc les gens qui font grève, s'ils nous écoutent aujourd'hui, c'est bien, faites grève les gars, mais dérangez pas tout le monde parce que vous nous faites chier. Ouais, mais il y avait une zik qui s'appelait faut laisser parler les gens là, laisser parler les gens. Et ben toi c'est laisser passer les gens, laisser passer les gens. Effectivement, quelques secondes, destination web, Kaufman. Et oui, chaque semaine, on s'intéresse au meilleur de l'actu internet. Et là, on parlera encore d'une entreprise belge qui a le vent en poupe. C'est comme ça, c'est que du fun. Et voici Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling sur Fun Radio. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Nothing

c'est de vous réveiller avec le son de Fun Radio et The Chainsmokers qui arrive. Mmh. 7h17, on est en direct sur Fun Radio et Kaufman à visiter le web. Ah oui, je vais visiter le web. Chaque semaine, on vous donne l'essentiel de l'actualité internet et on s'intéresse aussi aux startups belges, donc les entreprises de haute technologie, ouais, qui ont le vent en poupe. Et là, c'est Flipstent, Flipstent pour ceux qui parlent pas bien anglais. C'est une startup en fait qui réalise des flipbooks à partir de vos vidéos. Est-ce que tu sais ce que c'est un flipbook? Un flipbooks, je sais pas ce que c'est, non. En fait, un flipbook, c'est un petit cahier dont il vous suffit de faire défiler les pages afin de donner une impression de mouvement. Tu sais, quand on était petit, on dessinait sur les cahiers, et puis quand tu les faisais. Il faut prendre toutes les. Voilà, c'est ça, on fait ça. Ouais, exactement. Okay. Ah ouais, et puis, c'est bien ça. T'as l'effet vidéo. Et donc, Flipstent, c'est une start-up belge qui propose d'en réaliser à partir de films pris par vos soins. Donc, si t'as une petite vidéo et que t'as envie de la mettre sur un carnet, genre ouais, un moment assez précieux à tes yeux, eh bien, il suffit de faire appel à leur service. On demande donc aux clients de envoyer leur vidéo sur le site et après tout quoi, sur un livre après. Après quoi la vidéo est découpée et on la découpe en fait en 60 pages afin de réaliser le flipbook. L'effet est assez impressionnant. Connectez-vous, vous tapez Flipstent sur internet, vous tomberez sur leur site. Ils sont d'abord présents en France et en Belgique parce que les deux fondateurs sont français, ouais, et belges, et ensuite en fonction du nombre de personnes intéressées, bah, ils se développeront peut-être. Ils ont déjà eu plus ou moins 400 commandes. C'est un beau démarrage, c'est une start-up, une entreprise qu'on va tenir à l'œil, qui réalise donc des flipbooks. Et comment ça s'écrit le site internet? Flipstent. Ok, très bien. Et c'est parfait ça. Ça coûte cher ou ça coûte pas très cher? Écoute, ça dépend en fait, parce que t'as différents formats, ah, okay, différents nombres de pages aussi. Là, je vous ai parlé du flipbook standard, mais okay, il en existe okay, d'autres. Ok, merci Kaufman de ces bonnes infos du web. Et qu'est-ce que tu bois là, Kaufman, ce matin? Ça m'intrigue, cette petite bouteille depuis tout à l'heure. Écoute, c'est du détoxifiant, comme on a appelle ça. Du détoxifiant? Ouais, c'est une boisson détoxifiante, c'est du thé noir. Du thé noir, tu bois du thé noir le matin toi? Ouais, j'aime bien ça, ça me permet entre guillemets de me dire que je détoxifie mon corps, hein. C'est peut-être pas vrai du tout, mais entre en tout trois cas, burgers, ça voilà, détoxifie un petit peu effectivement. Dites-nous au 30 44 50 centimes l'envoi, qu'est-ce que vous buvez le matin? Alors Kaufman apparemment c'est du thé, c'est bien ouais, ça ouais. Moi c'est de l'eau, hein. Moi je reste à l'eau tout calmement, des fois au coca, c'est un peu sévère, mais des fois je bois du coca le matin. Aussi, moi aussi pour me réveiller. Ah toi aussi, ah, okay. Semaine dernière on vous demandait ce que vous mangez au petit déjeuner, ouais, on vous demandait vos idées originales de petit déjeuner. Cette fois-ci c'est la boisson qui va y passer. Alors moi je sais, je connais des gens qui boivent des jaunes de cru. Des quoi? Jaune du cru. Ah, jaune 2. Oh non, cru. Dégueulasse. Ouais, ouais. Ah, mais non, pas du tout. C'est éclairci la voix. Oh, c'est éclairci la voix, mais bon, c'est dégueulasse. Avant le concert, c'est parfait. Ouais, mais non. Imagine. Non. C'est impossible. Mais ça. Non, il faut les gober. Ah, faut les gober. Ah, oui, tu prends pas de temps de savourer. C'est des œufs de 82. Effectivement, allez-y, 30-44 pour nous dire que ça soit de l'eau, du jus d'orange, du coca, je sais pas, du jus de citron. Du thé. Moi, je sais que vous Isane, êtes. Qu'on ouais, est numéro 1 sur le thé à Fun Radio. Hein. Donc, dites-moi quelle sorte de thé, ouais, quelle sorte de café, quelle sorte de boisson, peut-être énergisante, peut-être naturelle, vous buvez à votre réveil, vous partez peut-être au travail, vous avez peut-être sous la main une canette ou l'autre. Dites-nous au 3044 pour 50 cents le message, ce que vous buvez, c'est notre entre guillemets fil ouais, rouge de cette matinée. On va s'intéresser à ce que vous buvez. Et on va aussi s'intéresser au sport, il y a également la télévision, il y aura les jeux vidéo, on a plein de cadeaux aujourd'hui, on a dit la grande box Fun Radio, mais on a aussi Maître Gims, des places pour Maître Gims à vous offrir juste avant 10h, donc restez bien jusqu'à 10h, parce que là, il y a des places pour Maître Gims qui vont tomber entre 7h et 10h. Restez bien avec nous, la leçon dance floor, ça continue avec The Chainsmokers sur Fun Radio. European. Oh. 25. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dance. Dans l'Eurodance 25. Sur Fun Radio. Chaque dimanche, de 18h à 20h. Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son dance floor. Chou, hein? Il y a quelque chose que j'ai pas compris? Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Tu

that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Poisson arrive au 3044, allez-y. New Music, découverte Fun Radio. Là, je vous propose de découvrir une nouveauté, Fun Radio, Power of Stellar et Aaron Chupa. Ça, c'est bon pour se réveiller, 7h28, on est en direct sur Fun Radio. De bonne humeur, Kaufman, tu vois, ça le matin, ça me fait plaisir. Écoute, avec une bonne boisson le matin, parfait. Oui, pourquoi pas, envoyez-nous vos boissons 3044. Ouais, on continue son dance floor tout à l'heure avec DJ Snake, Justin Bieber. Et on a déjà des boissons qui sont arrivées au 3044, Kaufman. Un Red Bull au kiwi, nous dit Mathias. C'est quand même un peu sévère, ça. Hein, bah, c'est les nouveaux Red Bull, ils sont un peu plus fruités. T'as déjà goûté? Ouais, j'ai déjà goûté. Ouais. Et alors, c'est bon? C'est pas mal. Je dis pas que j'en boirai là à 7h31 du matin, mais pourquoi pas continuer à nous envoyer eh bien, les boissons que vous buvez dès le matin, dès votre réveil, au petit déjeuner ou même avant. On a eu aussi d'autres exemples. On a Amélie qui nous a envoyé eh bien, du thé au jasmin. J'aime bien. C'est un peu tendance asiatique, zen, etc. On a Alphonse qui lui nous a lâché l'info qu'on n'avait pas forcément envie d'entendre. Il boit de la bière Non, à son réveil. Ah, je dis non, Kaufman, pas de la bière. Pas de l'alcool le matin, Kaufman, c'est quoi cette connerie? Bah écoute, il est peut-être pas encore couché finalement, hein, en y réfléchissant. C'est peut-être ça. Et puis on salue Marie qui, elle, se boit son petit cappuccino tranquille, détendu, dès son réveil. Vous continuez à nous envoyer vos petites boissons préférées dès le réveil, dès le petit déjeuner au 30-44 pour 50 cents. Le message, c'est le fil rouge de C'est que du fun ce matin. Et là, je pense que tu as des informations télévision à nous donner. Non, c'est le sport là, c'est Kaufman. Le sport. Le sport, Kaufman, tu vas parler sur l'actualité sportive, on va parler du football, le football. Belge, Kaufman, tu t'y connais bien bien en football belge, on l'a déjà remarqué depuis un mois. On va prendre un match, je vais prendre Lokeren contre Courtrai. Lokeren contre Courtrai. Ok, victoire de Lokeren 2.4, ouais. Match nul 3.1, victoire de Courtrai 2.7. Ah quand même, mais je mets quand même Lokeren vainqueur parce qu'à domicile ils sont toujours très difficiles à prendre. Ok, victoire de Lokeren 2.4, si tu mises 1€, tu gagnes 2,40€. Autre match, Bruges contre la Gantoise. Beau match, hein. Ah oui, ça c'est un derby. Et victoire de Bruges 2, ok, match nul 3.2, victoire de la Gantoise 3.3. Bruges à domicile à la Venise du Nord, c'est toujours très difficile de gagner, je dirais Bruges vainqueur. Et demain, il y a un énorme match, Standard de Liège contre Anderlecht. Ouais. Attention, là, gros match, victoire du Standard 2.7, match nul 3.1, victoire d'Anderlecht 2.5. Écoute, bizarrement, je sais pas pourquoi, je pense qu'ils vont se neutraliser demain. Un match nul? Ouais. Ok, d'habitude c'est toujours le Standard hein, qui, ouais, à domicile, peut-être, qui est pas Anderlecht. Je sais pas, je les sens pas cette année au taquet, bien que la surprise est possible, mais je vais rester sur mon match nul. Ok, donc très bien, donc victoire pour toi de Bruges, victoire de Lokeren et match nul entre Liège et Anderlecht. Voilà, comme ça j'aurai personne à dos. C'est surtout ça, oui. Dans quelques secondes on va parler de l'actualité télé et Koh-Lanta. T'as regardé hier Koh-Lanta, Kaufman? J'ai regardé Koh-Lanta. Et il y a un truc qui m'a exaspéré, je t'en parle juste après. DJ Snake et Justin Bieber, on est ensemble jusqu'à 10h et en direct sur Fun Radio. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. radio. You only come and go when you feel like it. Been at it for a while, but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. Love is messing with my head. Love is messing with my head. And it just ain't fair. You know I can't fight it. Bon samedi matin, bon courage à ceux qui vont taffer. Aujourd'hui, nous, on continue le son Dance Floor avec Mo. Et là, on va parler de l'actualité télé, Kaufman. Il y avait Koh-Lanta hier soir, donc t'as regardé Koh-Lanta, Kaufman ? Ah oui, j'ai regardé Koh-Lanta, parce que moi, dès qu'il y a des flambeaux dans un jeu, je regarde. Ah oui, bah c'est bizarre, c'est une drôle de méthode. Bah la marche aux flambeaux, je regarde la télé, okay, Koh-Lanta, quand ils étaient les flambeaux, je regarde et tout. Il est fou ce type. Depuis deux semaines dans Koh-Lanta, un candidat des rouges est chez les jaunes, et un candidat des jaunes est chez les rouges. Oui, ils ont inversé, ouais. Ils ont inversé un candidat dans chaque équipe. Et hier, les rouges ont perdu l'épreuve, donc ils devaient éliminer quelqu'un, tu vois, c'est logique jusqu'à là. D'accord. D'accord. Et forcément, tout le monde voulait éliminer le candidat qui venait de l'équipe adverse. Exact. Donc, ils ont décidé de l'éliminer. Mais la production a inventé juste avant l'élimination une nouvelle épreuve individuelle. Et si tu l'as gagnée, cette épreuve, ça te permettait de rester dans l'aventure. Ah. Tout ça, je dis bien tout ça parce que j'en suis sûr et certain, pour garder le candidat des jaunes qui était passé chez les rouges. Moi, ça m'a révolté parce que le candidat, effectivement, il se faisait éliminer. Mais bon, c'est la règle du jeu, non, Kaufman ? Oui, effectivement, dès que tu perds l'épreuve d'humilité, tu vas au conseil et tu choisis. Là, comme par hasard, il y avait une petite épreuve supplémentaire que personne n'attendait d'ailleurs. On dirait que ça avait été rajouté au montage même. On dirait, ouais, c'est comme s'ils s'est dit, oh là, ils ont entendu sur le camp qu'ils allaient l'éliminer. Ils se sont dit, putain, faut qu'on invente une épreuve, les gars. On a deux heures pour inventer une épreuve et on va faire l'épreuve maintenant, juste avant le conseil. Comme ça, on va peut-être sauver le candidat des jaunes qui était passé chez les rouges. Mais en plus, le pire, c'est qu'il a failli la gagner. Ouais, il a failli la gagner. Il est passé quoi, à un mètre. C'est Jean-Luc, quoi, hein, ouais, c'est Jean-Luc. Si vous avez regardé regardé hier soir. Effectivement, Jean-Luc qui quand même il est parti, hein, Jean-Luc, hein, tout le monde a voté contre lui, bah, sauf lui. Donc au final ça n'a rien changé cette épreuve, mais là je trouve ça un petit peu injuste de mettre une épreuve voilà au dernier moment, parce que voilà, ça aurait pu tout relancer de l'équipe des rouges, il aurait gagné cette épreuve, ça aurait été un vrai rouge qui serait parti et ça aurait fait, je pense, grand bruit dans les médias, non? Mais la vie est injuste, hein, et la vie est ainsi faite. C'est rendez-vous vrai. La semaine prochaine pour voir s'il y aura toujours une épreuve avant le conseil. Moi c'est ça qui m'intéresse, de voir s'ils vont être je pense éliminaires. Pas parce que ils vont se réunifier dans 15 jours, c'est dans 15 jours le prochain épisode. Ah oui, c'est vrai. Ils vont se réunifier. Ouais, c'est vrai. Donc c'est mort, il n'y aura plus d'épreuves, ils ont juste fait ça au dernier moment juste pour là. Dans quelques secondes, il y aura l'actualité des jeux vidéo, Kaufman. Et oui, on revient avec des infos sur Assassin's Creed, on en parlait il y a quelques semaines. On a investigué, on a creusé le dossier et on a des informations exclusives. Et toujours vos SMS au 30-44, votre boisson du matin, on la veut. Coca, café, thé, on a eu quoi d'autre? Red Bull au kiwi aussi. Allez-y, 30-44, 50 centimes par message. Et là, c'est Mo sur Fun Radio. Won't you stay, at least until the sun goes down? When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. h 10h, on est en direct le samedi et le dimanche sur Fun Radio Morning 100% belge et le son dance floor Pitbull et Florida. Et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook Kaufman. Oui, si vous avez un compte Facebook, vous nous rejoignez. Hein. C'est que du fun, vous le tapez dans la petite barre de recherche et vous rejoignez notre fanpage. 22 000 personnes hein, qui quand même ont déjà franchi le cap. Et puis ça vous permet de réagir aussi en direct à l'émission. Comme ce matin, vous nous donnez votre boisson préférée au petit déjeuner. Celle qui vous met en forme, celle qui vous met bien, tranquille, détendue. Celle qu'on aime prendre en se levant. Vous nous envoyez ça sur la fanpage C'est que du fun, directement par SMS au 3044 pour 50 cents le message. On vous y répond, hein. Croyez pas que vous envoyez un message dans le vide. Non, on se fera un plaisir de vous dire nous ce qu'on boit. Tiens, si vous avez envie de savoir, vous avez qu'à nous envoyer un message sur la fanpage C'est que du fun ou au 3044, nous poser la question et on y répondra avec grand, grand plaisir. C'est le fil rouge de ce matin. Que buvez-vous au petit déjeuner ou lors de votre réveil? Ouais, c'est vrai. Venez sur la page Facebook, vous êtes 22 926 personnes. Allez-y, vous pouvez liker la page C'est que du fun. Là, j'y suis en direct avec mon portable, là, smartphone. J'y suis. Attention, il y a Fred qui nous dit je vais aller dormir. Il l'a dit il y a 5 minutes là sur la page, je vais aller dormir. Bah bon courage Fred. Si tu vas aller dormir, il va dormir à cette heure-là lui. À mon avis, il vient de rentrer de soirée lui. Ouais, ou il vient de travailler de nuit peut-être. N'hésitez pas, hein. Page Facebook, C'est que du fun, vous tapez C'est que du fun. On est 22 926 et je vous fais un petit coucou à l'antenne, il y a pas de souci. Au 30 44 50 centimes par message, on lit tous vos messages avec les boissons du matin. Kaufman, toi c'était du thé, t'as dit tout à l'heure, hein. Thé noir, hein. Moi noir, c'est hein. je prends ça comme un détoxifiant. Bien sûr. Après avoir mangé 4 hamburgers, bu 2 milkshakes, on se dit qu'on va avoir la conscience un peu meilleure, un peu plus tranquille en ce samedi matin. Et donc on prend des boissons détox, mais il ne faut pas se tromper. Hein. Les boissons détox, ça a vraiment le vent en poupe pour l'instant. Bien sûr, vraiment le buzz. Il y a des gens qui boivent des concentrés de kiwi avec citron,

L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, chaque samedi, chaque dimanche, on vous ramène les meilleures infos jeux vidéo, mais aussi les cadeaux qu'on vous fera gagner dans quelques instants. Et là, on va commencer par les premières images d'Assassin's Creed Empire en Égypte. On vous en parlait il y a 2 semaines. La série Assassin's Creed ne reviendra plus annuellement comme c'était le cas jusqu'à présent, mais reviendra peut-être tous les 2 ans. Et face au bruit de refonte totale de la saga dont on vous parlait, eh bien, on a appris via certaines fuites que ce jeu d'action, de jeu de rôle, eh bien, serait beaucoup, beaucoup plus ambitieux, ressemblerait peut-être plus à un jeu comme The Witcher. Les puristes comprendront, parce que toi tu me regardes comme... Bien sûr, The Witcher, l'échangeur en français. Oui, The Witcher, le sorceleur en français. Eh bien, les joueurs seront quand même heureux d'apprendre qu'une image volée, sans doute issue d'une présentation, a été diffusée la nuit dernière sur le web. Mais que présente cette image? Tout simplement un prototype de menu montrant un Assassin's Creed baptisé Assassin's Creed Empire. Donc ça pourrait être déjà le titre du prochain épisode. Il s'agirait tout simplement d'un wireframe avec un exemple de rendu final sur la partie droite. Un wireframe. C'est quoi ça? Une espèce de rendu final. Ok, très bien. De rendu du final avec sur la partie droite de l'écran, eh bien, des indications concernant le prochain épisode. On remarque côté gameplay que le titre, donc jouabilité, que les titres intégreraient du craft, autrement dit de la recherche d'objets pour ensuite les transformer ou les fabriquer. Okay. Dans la droite lignée de ce qui avait fuité concernant l'évolution du personnage principal. Et donc, on en attend un peu plus d'Assassin's Creed Empire qui se déroulera peut-être en Égypte. C'est l'information principale de ce matin. Assassin's Creed Empire en Belgique, ce n'est qu'une rumeur qu'on vous diffuse là. Mais vous le savez, hein, quand le samedi, le dimanche, je prends des risques de diffuser des rumeurs, généralement, hein, elles sont bonnes. Bah, c'est toi qui l'as dit. Je m'en doutais, tu me laissais faire. Hein. Mais ça sort quand ça? On a une date ou pas? Non, encore. Pas du tout encore de date. Là, c'est des fuites. L'année prochaine ou dans 2 ans? À mon avis, ce sera plutôt l'année prochaine. L'année prochaine. Ok, merci Kaufman. Dans quelques minutes, le Sarah, le Salove, tu vas râler, hein, toi Kaufman. Ah oui, moi je vais râler parce que Facebook, hein, le réseau social, fait son beurre sur les secrets, sur nos petits secrets, sur nos petites cachotteries. Sur notre vie à nous? Sur la tienne, plus particulièrement. Ah, merde, dans la merde alors. On en parle juste après le journal des bonnes nouvelles. Il est 8h04, on est en direct. Bon réveil tout le monde. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous, on débute avec cette histoire un peu particulière. Pour s'excuser publiquement d'avoir douté des capacités de son fils fraîchement diplômé à mener des études supérieures, un père a acheté ce week-end un encart publicitaire dans un journal. Cela s'est passé en Serbie, ce père de famille s'est donc excusé publiquement de ne pas avoir cru que son fils pourrait décrocher un diplôme à la faculté d'électrotechnique. Le voyant en difficulté dès sa première année, il lui a alors dit et répété qu'il ne pensait jamais capable de mener ses études à terme. Il lui a alors promis que s'il décrochait au final son diplôme, il s'excuserait publiquement. Chose promise, chose due, lorsque son fils est officiellement devenu ingénieur en télécommunication, son père s'est exécuté. Que feriez-vous si à la place d'une commande chez votre revendeur de pizza, vous receviez une grosse liasse de billets? Eh bien, figurez-vous que cette aventure est arrivée à une personne qui vit en Californie. Elle a commandé des wings chez Domino's Pizza. Elle a été toute surprise lorsque sa commande est arrivée chez elle de constater qu'à l'intérieur de la boîte, il n'y avait pas les wings commandés, mais bien une liasse de billets de 5 000 $, soit environ l'équivalent de 4 500 €, tout ça en espèces. Mais au lieu de garder l'argent, elle a tout de suite signalé son erreur à l'entreprise. L'entreprise qui est sagement venue rechercher l'argent à son domicile, et pour la remercier de son honnêteté, eh bien la chaîne a décidé tout simplement de lui offrir un an de pizza gratuite, et de quoi confirmer qu'elle a quand même fait le bon choix. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un tel incident se produit chez Domino's Pizza. Aux États-Unis, les Américains s'amusent comme ils peuvent. Et puis, durant la campagne pour l'élection présidentielle, c'est encore pire. Une mère de famille voulait déjà aller chercher les costumes pour Halloween avec un peu d'avance. Elle s'est donc rendue dans un magasin avec ses enfants. Comme de nombreux Américains, elle a pensé à un masque d'Hillary Clinton pour sa fille et à un masque de Donald Trump pour son fils. Mais lorsqu'elle a montré le visage du candidat républicain, son fils s'est carrément mis à hurler. La vidéo fait carrément le buzz sur Internet, tout comme une autre vidéo d'une parodie qui fait également beaucoup rire les internautes. On y voit une fausse Hillary Clinton et un faux Donald Trump qui débattent pour l'élection présidentielle de novembre avant de se lancer dans une battle de danse endiablée. Accompagnée de danseurs et de danseuses, la démocrate et le républicain s'affrontent et se donnent à fond pour remporter la victoire. On termine avec une autre info qui va sans doute vous faire sourire. Vous le savez, aux États-Unis, la tradition, c'est de tailler des têtes de mort dans les potirons pour Halloween. Eh bien, Pingu en Chine, la tradition est un peu différente et encore plus surprenante. Il y a quelques jours, en effet, plus d'un millier de personnes étaient rassemblées pour participer à un concours de taillage de pastèques afin de les transformer en lanternes. Depuis plus d'une dizaine d'années, la ville chinoise organise ce concours pour promouvoir ses fruits et le tourisme. Avouez que c'est quand même un peu original. On termine ce journal des bonnes nouvelles avec un point sur la météo pour vous dire qu'on peut s'attendre à un week-end avec un temps assez mitigé, un ciel qui sera partagé entre la pluie et quelques rayons de soleil. Les températures se situeront entre 16 et 18 degrés sur la plupart des régions. Un retour à un temps plus sec et plus ensoleillé est prévu pour le début de la semaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio et tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. About me, it hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Merci de vous réveiller avec Fun Radio et le son de Deoro. Là, c'est l'heure du Saral Salove. On regarde l'actualité toute la semaine. Et Kaufman et moi, on prend ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Et moi, mon love, aujourd'hui, concerne Barack Obama. Est-ce que t'es au courant ou pas d'une info avec Barack Obama, Kaufman? Plusieurs, Barack. Ah. Il a cassé la baraque. Oh putain, la fin des années 80. En ce moment, tout le monde est à la recherche d'une seule chose. Le pseudo de Barack Obama. Les médias américains sont en train de chercher l'adresse mail du président. Eh ouais, et le porte-parole du président a dit: vous pensiez que l'adresse mail du président était bobama@whitehouse.gov? Eh bien non. White House. Tu vois, je parle anglais, toi, ton troisième langue anglais. Et bien apparemment, il aurait un pseudo impossible à trouver, genre barackforever@je-me-tire-de-la-maison-blanche.com, un truc dans le genre, tu vois. Mm-hmm. C'était quoi ton adresse mail, toi, ou pseudo MSN, Skype? Moi, c'est toujours la même chose. C'est quoi? DJ Douve. DJ Douve. D-J-D-O-U-V. Et depuis que t'es tout petit, tu prends un DJ Douve? Pas tout petit, mais depuis longtemps quand même. Ah ouais? Mais pourquoi ça? Parce que j'étais DJ, comme son nom l'indique. Ah, t'étais DJ, toi? Ouais. Tu mixais quoi? Je mixais de la disco. De la disco? Ouais. Dans les années 80 et tout. Ah, ouais. T'es déjà né dans les années 80? Ouais, ah, mais j'étais déjà 30 ans. Âgé dans les années 80. Dites-nous, 30-44, c'était quoi vos pires pseudos? Toi, Kaufman, tu as râlé, hein? Ah oui, j'ai râlé parce que Facebook commence à faire son beurre sur nos petits secrets. Hein. On a tous des choses plus ou moins inavouables à cacher, hein, faut le dire. Bien sûr. Vous avez peur que vos messages soient découverts par votre compagnon, compagne, et vous avez envie de lui cacher des choses, ouais. Eh ben Facebook met un outil à disposition de ces personnes-là qui s'appelle conversation secrète. En quoi ça consiste? Il s'agit de messages chiffrés de bout en bout. Les messages ne sont visibles que par votre interlocuteur et vous-même durant un laps de temps limité. Lorsque vous recevez un message, le nom de celui-ci n'est même pas indiqué dans la notif qui apparaît sur votre écran d'accueil. Le nom de l'interlocuteur est remplacé par quelqu'un. Quelqu'un vous envoie un message. Mais non. Si, si. Mais c'est fou ça, j'ai jamais vu et ça. C'est chiffré et en plus ça ne dure que quelques instants. Mais comment on fait? Ah mais ça je vais pas te le dire. Ah ok, c'est gentil comme... Non, il est marqué conversation secrète dans les options de conversation lorsque tu ouvres ta fenêtre de chat. Ok, pas de soucis, Kaufman en a des cadeaux à faire gagner. Goodies et jeux vidéo sont ton programme et je pense qu'on va vous faire gagner ça par combien ça coûte. Par combien ça coûte, c'est vrai, mais à chaque fois je dis on a des cadeaux à gagner, c'est toujours goodies et jeux vidéo, chichi, beignet, attention, Kaufman est là les amis, ne bougez pas. Kaufman, est-ce que tu peux me faire un plaisir ce matin? Oui, je t'en prie. Est-ce que tu peux me lancer des euros façon 80 DJ Doux. Bon, c'est parti, Fun Radio, le son disco dance floor avec Deoro et Baylar. Et dans quelques secondes, on vous fera gagner des cadeaux. Goodies et jeux vidéo sont au programme, messieurs, vas-y, mesdames. Vas-y, DJ, vas-y, mets l'ambiance, DJ, vas-y. On est jusqu'à 10h pour le meilleur, mais vous l'avez compris, surtout pour le pire. Welcome. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Vámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Vino sevillana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no volverá. Only in magazine, it didn't rip through my mind. Didn't see. prépare le petit déjeuner avec le son de Dimitri Vegas et Like Mike. Dans quelques secondes, le combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et vous allez devoir retrouver l'objet au 63-22. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Et oui, si vous aimez les jeux vidéo, bah, n'hésitez pas à participer puisqu'on vous offre des goodies qui sont introuvables en commerce. Pareil pour les jeux vidéo, on vous offre parfois des versions un petit peu inédites, un petit peu collector. Et pour les remporter, va falloir jouer avec nous. Combien ça coûte. Le principe du jeu est assez simple. David va nous donner un petit prix. Moi, je vais poser des questions histoire de faire avancer l'affaire, histoire de me rapprocher au plus possible de l'objet. Ouais. Et vous, pendant que je pose des questions, vous pouvez commencer à participer au 63-22 pour 1 euro par message. Le combien ça coûte va peut-être vous permettre en ce samedi matin de remporter des cadeaux. Si vous venez de vous réveiller la semaine dernière, ça s'est produit, c'est toujours le bon plan. Vous participez, vous envoyez votre proposition. Moi, je vais essayer de vous aider en tout cas le plus possible. À vous de jouer au 63-22 pour 1 euro le message. Ouais, on a plein de cadeaux. Voilà, jeux vidéo, goodies collector, on a même des nouveaux objets Fun Radio à vous offrir. Donc 63-22 pour jouer. On joue juste après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Vive les animaux ! Le samedi 1er octobre chez Tom & Co, c'est la fête des animaux. Moins 15% sur tout le magasin. Le samedi 1er octobre, votre animal est roi chez Tom & Co. Plus d'infos sur tom&co.be. Au soleil ou à la neige? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à demain pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Moi, sur mon poney Nutella, j'écrirais « Bon appétit ». Je t'aime. Oh, ou juste « Love ». T'es chou. Mais quoi, c'est vrai? Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous. Mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Tadam! C'est moi, Hip. Vous voulez des prix incroyables? Alors profitez des offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Par tranche d'achat de 100 euros au rayon multimédia, recevez, bam, un bon d'achat de 20 euros. Venez vite. Cette offre géniale se termine aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même si vous partez en city trip sans avoir terminé votre checklist. On a les brosses à dents? Oui, je les ai. Et tes caleçons? Oui, je les ai. T'as coupé le chauffage? Oui. Ah non, ça d'habitude c'est toi qui t'en occupes. Mais non. Ah bah si. Éteindre votre chauffage à distance? C'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box avec 2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. My station. This is fun. Fun radio. Place on dance floor. Touch of your skin.

Dans quelques secondes, c'est Sigala qui débarque. Et c'est le moment de jouer les amis, au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et le but c'est de retrouver à quoi correspond ce prix. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322, 1€ par message. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, jeux vidéo, goodies collector, Kaufman. Oui, si vous aimez les jeux vidéo et les jeux vidéo récents, c'est avec nous qu'il va falloir jouer là au 6322 pour 1€ le message. Vous nous envoyez votre proposition en fonction du prix que David va me donner et des questions que je vais lui poser. Si vous avez une petite idée, vous l'envoyez directement. Premier arrivé, premier servi les amis. Effectivement, 63,22, 1€ par message pour envoyer votre réponse. Le prix du jour, 3€. Kaufman, tu poses des questions pour aider les auditeurs. 3€, est-ce que c'est un petit objet? Un petit objet? Non, je dirais pas ça. Est-ce que c'est un objet qui sert au privé ou au professionnel? Les deux. Est-ce que c'est un objet électrique, électronique? Non. Est-ce que c'est un objet qui a des couleurs? Oui. Est-ce que c'est un objet qui sert aussi bien au petit qu'au grand? Au grand. Est-ce qu'il se trouve dans une pièce particulière de la maison dans le cadre privé? Ouais. D'accord, t'as l'air sûr de toi de nouveau. Ouais, je dis oui. Est-ce que ça se trouve dans la chambre à coucher? Non. Dans le salon? Ça peut. Dans la cuisine? Non. Bah ça peut aussi mais... Dans la salle de jeu? Non, pas vraiment. Dans la cave? Non. Ok, tu m'aides fort là sur ce coup-là. Est-ce que ça se trouve dans la salle de bain? Non. Dans le bureau? Oui. Dans le bureau, oui. D'accord. Il y en a beaucoup plus dans le bureau que dans toutes les autres pièces. Est-ce que c'est relatif au matériel de bureau? Oui. D'accord. Est-ce que c'est une agrafeuse? Non. Allez-y si vous avez la bonne réponse, 63,22, on a plein de cadeaux à vous offrir, jeux vidéo, goodies collector, on a des objets fun radio que la personne de la com en bas nous m'a dit, il y a plein d'objets fun radio à donner, donc allez-y. La personne de la com s'appelle Philippe. Ah merci, j'avais pas son nom, ça fait un an que je suis là, je sais toujours pas le nom. Il le croise, salut. Salut personne de la com, ça va bien. Allez-y, 63,22 pour envoyer la bonne réponse. Kaufman, tu continues. Je récapitule. Vas-y. C'est pas un objet ni électrique ni électronique. Non. C'est un objet qui sert plutôt au grand, c'est un objet qui peut aussi bien servir pour le professionnel que pour le privé. Oui. Qu'on trouve donc dans la pièce, le bureau, chez soi. Ouais. Qui peut aussi être de couleur. C'est vrai. On me dit un bic au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. On me dit un stylo. Non, c'est pas la bonne réponse non plus. Allez-y, 6322 pour vos réponses. Est-ce que c'est un objet de classement? De classement? Oui. Oui. Est-ce que c'est une farde à glissière? Non. D'accord, une chemise transparente? Non plus. Est-ce que ça a à voir avec... est-ce que ça a une perforatrice, tiens? Est-ce que ça a une perforatrice? À voir avec une perforatrice. Ah oui. C'est pas une perforatrice. Non, c'est pas ça le mot, hein. Mais on peut l'utiliser pour mettre, voilà. Ah! Moi, j'ai rien dit. Donc, tu l'utilises pour mettre tes feuilles perforées, en l'occurrence? Un petit peu. D'accord. Oui, c'est ça. On me dit une farde. Non, c'est pas le mot que je recherche. Post-it, ce n'est pas la bonne réponse. On me dit un cahier au 6322, non plus. Un stylo, j'ai déjà dit que non. Une trousse, non plus. Allez-y, 6322 pour envoyer la bonne réponse. Est-ce que c'est un objet de classement? C'est un objet de classement, oui. Classement? Oui, de classement. Est-ce que l'étymologie du mot a à voir avec le mot classement, justement? Oui. Effectivement, on me dit un œillet au 6322. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'on en trouve de différentes tailles? Oui. Est-ce que parfois il faut appuyer sur un petit bouton pour les ouvrir, une espèce de mécanisme pour l'ouvrir? Oui, effectivement. D'accord. Tu penses avoir trouvé, toi, Kaufman? Moi, je pense que j'ai trouvé. Peut-être une petite confirmation avec la question qui va suivre. Est-ce que cet objet te permet d'avoir des grosses quantités de feuilles classées? Ouais. Ouais, et tu peux mettre des intercalaires dans le... Effectivement, je dis oui, Kaufman, je pense que tu as trouvé. On me dit intercalaire, évidemment, au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse, intercalaire. Donc voilà, faut donner l'objet, hein. Les amis, il coûte 3€. Allez-y, 6322. On a plein de cadeaux à vous offrir. On m'envoie, je sais pas si Kaufman, tu peux voir les SMS de là où tu es, mais on m'envoie le mot, mais commençant par un K. Mais non, ça commence pas par un K, le mot. Il commence par quelle lettre, Kaufman? Par un C. Ah oui, ça commence par un C. Même étymologie que le mot classement, donc allez-y, hein, c'est facile. 63,22, je prends un gagnant dans quelques secondes. C'est le moment de jouer, les amis. Jeux vidéo, goodies collector, objet fun radio. Allez-y, 63,22, 1€ par message. Je prends le gagnant juste après. Sigala, give me your love sur fun radio. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again.

motherfucker, I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, if the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. Don't give up, nah, no. Don't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no. Nah. Don't give up, I won't give up, don't give up. h 42, on est en direct sur Fun Radio, la suite du son Dance Floor. Alex Germis, il prépare déjà l'album de Loïc Noté qui sort dans quelques semaines. Alex Germis. Et là, on va prendre le gagnant au combien ça coûte. Et j'accueille Gert qui est avec nous. Salut Gert. Oui, bonjour. Salut Gert. Ça va bien? Ça va, et vous? Oui, ouais, ça va, on est en pleine forme. Tu as quel âge? Tu nous appelles d'où? J'appelle de Dernio, l'entité de Fran les Anvins. Ok, j'ai 50 ans. Prêt de tourner? Oui, c'est ça. Ah ouais, on passe souvent là-bas en soirée. Oui. On sort, quoi. On sort, on va s'enjailler. On se balade. Bref, tu nous téléphonais pour jouer avec nous. Combien ça coûte? Il y avait un prix, 40 euros. Et 3 euros. 3 euros, ouais, ça serait cher, 40 euros. Et tu as t'as proposé quoi au 6322 par SMS? Classeur. Classeur. On vérifie. Bravo, bravo Hirt. Tu as gagné des goodies jeux vidéo. Tu aimes bien ça les jeux vidéo? Oh, ce sera pour mes petits enfants. Ah bah t'as déjà des petits enfants toi? Ah oui. Ah bah tu as pas l'air. J'en ai déjà 3 donc. Mais ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Bon, peut-être qu'ils joueront pas tout de suite avec les jeux vidéo, mais 3, 2 et 1 mois. Oh, 1 mois, bah bisous un à mois. Eux. Bah en tout cas, t'as bien l'esprit Fun Radio, hein. Continue à nous écouter, c'est que du fun. Chaque samedi, oui. Chaque dimanche, 7h-10h. Merci Gert, on te souhaite une bonne journée. On écoute toujours Fun Radio chez nous. Ah bah c'est parfait. Gert, on prend tes coordonnées hors antenne, ne bouge surtout pas, d'accord? Ça va, merci. Allez, bisous, bisous. A plus Gert. Oui, à vous aussi, à plus. A plus Gert, comme il dit. Dans quelques secondes, il y aura le Fun Game. On a toujours aussi plein de cadeaux à vous offrir. Il y aura le double Fun Maître Gims, on a des places pour Maître Gims. Il y aura la grande box Fun Radio, de l'actu télé, du sport, des jeux vidéo. Il y a tout dans cette émission Kaufman, c'est fou, hein, quand même. Ah oui, et même de l'humour, parfois. Hein, mais de l'humour, ça, c'est pas garanti avant 10h. Non, c'est pas garanti. Le son Dance Floor, ça se passe avec Alex Germis sur Fun Radio. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes Dance Floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List. Yann sur Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Il est là? Oui! Le nouveau magazine public hors série vient d'arriver chez ton libraire. Enquête exclusive, révélation choc, photos originales, mais aussi des jeux et des tests à gogo. La vie des people n'aura plus aucun secret pour toi. Fonce l'acheter sans plus attendre. C'est moi, Hip. Vous voulez des prix incroyables? Alors profitez des offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Par tranche d'achat de 100 euros au rayon multimédia, recevez, bam, un bon d'achat de 20 euros. Venez vite! Cette offre géniale se termine aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Salut, c'est Ali Germis. Les sons Dance Floor. En premier, c'est sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Sometimes it's hard just trying to hold on. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I feel so far. Hey, I know. To get up on myself, I can find. fell so far. Hey, I know I took it upon myself that I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Bon courage à tous ceux qui vont bosser aujourd'hui. La suite du son Dance Floor, Cheat Codes. Et dans quelques secondes, le fun game. Oui, on parlera de la Xbox One en Angleterre qui s'envole littéralement. Toi, tu dis que tu penses à ceux qui vont bosser. Moi, je pense à ceux qui vont se réveiller là, à l'instant. Ouais, aussi. Qui ont mis la radio, qui ont choisi Fun Radio. C'est que du fun, le morning 100% belge. À base d'infos, jeux vidéo, culture, délire, fun, cadeau. Je pense que c'est bien résumé. Moi, ouais, c'est très bien résumé. Tu joues dans mode passe maintenant et t'as été pris pour mode passe. Je veux dire fun, ok. Émission, oui. Samedi, oui. Week-end, oui. 7h-10h, oui, bien. Bravo, bah, on est là jusqu'à 10h pour vous réveiller lentement, doucement, mais sûrement. Et si vous écoutez au boulot, parce que je salue un petit supermarché à Bruxelles là, qui nous écoute. Ok. Un Carrefour Market pour pas les citer, je vous ai dit. Ils nous écoutent. Tous les jours, de 8h à 8h. Ils font les 12 heures d'affilée, là, c'est pas facile pour eux. On les salue, messieurs, mesdames. Oui, on vous salue. Il y a encore plein de cadeaux. On vous l'a dit à vous offrir. On aura des places pour Maître Gims à vous offrir. La grande box Fun Radio où il y a des places pour Astérix, des places de cinéma. On a mis des places aussi pour la Thalasso, les thermes. Ah oui, les thermes de Grimbergen. Voilà. Vous allez vous détendre là-bas pendant toute une journée aux frais de Fun Radio. Il y a tout, hein. Il y a du sauna, des massages, du hammam. Bref, moi, je vous dis, vous allez vous régaler. Effectivement. Et le bon son dance floor avec Cheat Code sur Fun Radio. Ayez l'esprit fun et repartez avec l'objet le plus stylé du moment, l'Overboard. Okay. Dès lundi, écoutez l'Happy Hour avec Audrey de 17h à 20h et Fun Radio Connected avec Dylan de 20h à 22h. Et déplacez-vous sans effort et avec classe. Grâce à votre Overboard, en envoyant fun par SMS au 6322. 1€ le message. Oh super, merci. La radio qui vous offre les cadeaux les plus fun. Et Fun Radio. Le son dance floor. Moi, j'aime les fruits croquants. Oh, ça tombe bien, les pommelles Star Belge de la nouvelle récolte sont ultra croquantes. Non, oui, monsieur Marc, est tellement savoureuse que je craque. Mais enfin, petit, du calme. Oui, même son prix est à craquer, monsieur Marc. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, les pommes Elstar nouvelle récolte en vrac sont à seulement 1,19€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Et allô ? Bonjour monsieur, je vous appelle du futur pour vous dire de continuer comme ça avec vos flacons de shampoing. Quoi, continuer à me laver les cheveux, c'est ça ? Ah non, à bien trier ! On vit très bien sur Terre en 2130, grâce au tri que vous faites tous les jours, vous dans le présent. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous partez bronzer sur la Lune ? Oh, la Lune, c'était bien il y a 50 ans. Allez, je vous laisse, merci ! Quoi, vous êtes vraiment sur la Lune ? Attendez, il y a des promos sur la... Allô ? Curieux ? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I see in my hand. One more time before I go. Higher power.

dance floor. Il nous reste une heure d'émission et ça va être la folie. Pendant une heure, il y a reçu le son dance floor, Mike Perry. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Il nous reste une heure, mais il nous reste évidemment de l'information jeux vidéo à vous donner. Et cette fois-ci, on va vous parler de la Xbox One qui vient de sortir un nouveau modèle, en l'occurrence la Xbox One Slim. Ouais. Qui est un peu plus léger, mais surtout qui est compatible 4K HD. Et c'est le modèle le plus abordable de lecteur. Donc même pas la peine d'acheter un lecteur, c'est plus cher que la Xbox One. Ok. Et la Xbox One s'envole outre-Manche. Et oui, il semblerait que les joueurs d'outre-Manche aient répondu massivement à l'appel de la nouvelle Xbox One S. Les ventes de la machine ont connu une augmentation de quasiment 1000% en une semaine. 1000%. Ce chiffre serait en partie expliqué par le nouveau design de la console, on en parlait, bien plus agréable et pratique que celui du modèle d'origine, la présence du lecteur 4K HD très abordable et la sortie de grosses exclus tels que Forza Horizon 3, Gears of War 4, Battlefield 1. Bref, que des jeux qu'on va retrouver en exclusivité sur la Xbox One, et apparemment les joueurs anglais sont très friands de cette console. 1000% en une semaine, tout le monde aimerait gagner 1000% en plus en une semaine. Ça c'est sûr, tu l'as testé toi ou pas la console? Ah bien sûr. Et alors? Ah ouais, c'est très très chouette. Design très ergonomique qui fait de ton salon, enfin qui remet dans ton salon un objet design, c'est plutôt très très sympa comme console. Ok, donc on peut l'acheter à quel prix? On peut l'acheter un peu à tous les prix, ça dépend, il y a des packs et elle commence maintenant à 299€. Ok, parfait, chez Smart Toys. Exactement, ou sur smarttoys.be. Dans quelques secondes, Maître Gims va arriver. Eh oui, Maître Gims, ça veut dire peut-être le double fun. Ah. Peut-être des places de concert. Ah plus bon. L'album. Non. Ça peut arriver dans quelques minutes, on vous en parle juste après. Mike Perry sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 10h et en direct. C'est que du fun le samedi, le dimanche, 7h-10h. You can be my guiding light. Keep me company. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough, diving deep into your ocean. Il est là, il arrive sur Fun Radio. Eh oui, Maître Gims. Allez, je t'ai tout donné. Maître Gims arrive dans quelques secondes. Ça veut dire quoi, Kaufman ? Bah, toute cette semaine, Fun Radio vous propose le double fun Maître Gims. Vous entendez deux Maître Gims à la suite. Bien sûr. Et là, vous envoyez Star au 63-22. Vous n'hésitez pas. Star au 63-22, il y a gagné son album, mais également deux places pour aller le voir en concert. C'est plutôt un joli cadeau. Attention, il y en a déjà un qui est en préparation. Ouais. Le deuxième ne devrait pas tarder. Oui, il est en préparation il aussi. Il serait peut-être même peut-être enchaîné. Ouais, je crois aussi. Vois. Donc, vous envoyez Star au 63-22, STAR au 63-22 pour 1€ le message. Fun Radio est vraiment partenaire des plus beaux concerts. Ah ouais. Chaque semaine, on vous offre des places pour aller voir vos artistes préférés, vos artistes Fun Radio en concert. Cette fois-ci, c'est au tour de Maître Gims et le double fun qui débarque peut-être dans quelques secondes. Tendez bien l'oreille parce que Maître Gims, quand il y en a un, il y en a parfois deux. Et ouais, il y en a souvent deux. Envoyez Star au 63-22, 1€ par message. Préparez votre SMS. Hein, je vous le conseille. Star, STAR, au 63-22. Vous allez pouvoir gagner, on l'a dit, l'album, la réédition de l'album à contre-coeur, mais aussi deux places pour aller le voir en concert le 10 décembre à Forêt Nationale. C'est un magnifique concert en plus. Hein. Maître Gims au concert, ça déchire tout, je vous le jure. Donc allez-y, envoyez Star au 63-22 parce qu'il va y avoir un Maître Gims dans quelques secondes, là tout de suite. Oui, et en plus, il paraît qu'il va tout donner à Forêt Nationale. Il va tout donner ? Oui. Ah bon ? Ah bah Maître Gims il est comme ça, hein, il a la main sur le gueur, il donne tout. Et d'ailleurs tiens, hein, c'est tout donné maintenant sur Fun Radio. Le hasard des choses. Maître Gims, tendez bien l'oreille, le deuxième arrive à la suite. Star au 63-22, Fun Radio vraiment partenaire des plus beaux concerts. Et dans C'est que du fun, bah, vous gagnez vos cadeaux, album et place de concert. Bonne chance. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passe en lourd parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai tout gardé en moi. Je me suis donné tant de mal. Je pourrais tout flamber pour toi. Pourtant je ne suis pas pyromane. Et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau. Je suis flatté. Tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. Je suis choqué. Je m'imaginais sans cesse avoir un cœur indomptable. Et je me souviens de comment t'étais sapé ce soir-là. Et je sais que ton cœur est apaisé quand je suis là. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passe en lourd parce que j'ai beaucoup pris sur moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné, tout donné, tout donné, tout donné. Tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Laisse-moi devenir ton allié. Pour nos ennemis, un alien. Repose-toi sur toi, je veille. Je serai là quoi qu'il advienne. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Tu es ma maladie, ma guérison quand tu le décides. Mes nuits s'illuminent, j'en confonds le jour et la nuit. Hey, yeah. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Mais passons-nous parce que j'ai beaucoup pris sur ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine, c'est à moi. Allez, je t'ai tout donné. Fun sur Fun Radio. Double Fun. Envoyez maintenant Star par SMS au 6322. Un euro message. Et gagnez vos places pour son live le 10 décembre à Forêt Nationale ou peut-être le rencontrer. Plus la réédition de l'album de Maître Gims à contre-cœur. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Elle a jeté son cœur en fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dansé dans le noir. Tout à coup, le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère. Elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit. Pas du côté passager. Ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet. Mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de notice, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le 6-5. À Forêt Nationale ou peut-être le rencontrer. Plus la réédition de l'album de Maître Gims à contre-cœur. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Merci Maître Gims, c'est gentil. Il est gentil celui-là. Allez, on va voir qui va gagner ses places et son album. On accueille Françoise qui est avec nous. Salut Françoise. Bonjour, bonjour. Salut Françoise, tout va bien? Super, star. Ouais, tu nous appelles d'où Françoise? Calme-toi un petit peu, calme-toi. D'Arlon. Arlon, ah bah ça c'est frontalier quasi quoi, près du Luxembourg quoi. Exact, oui. Exact. Tu nous écoutes depuis quelle heure? Depuis 8h30 ce matin. Ah, et t'as déjeuné quoi? T'as pris quoi comme boisson? Parce que c'est un peu le fil rouge d'aujourd'hui. Ah ben moi c'est toujours du café latte froid. Du café et tu mets des coups de latte dessus, ça fait du café latte. Du café latte froid macchiato. Macchiato, si. Moi j'ai perdu, hein, je vous le disais tout de suite. Du café du lait. Ah, du café avec du lait, ok. Latte, c'est du lait. Ok, bah. Bon, alors, plus sérieusement, tu as joué avec nous pour essayer de remporter ton album et tes deux places pour le concert. Tu as envoyé quoi au 6322? Un moment de sérieux là, Françoise, concentre-toi. J'ai envoyé tout simplement star. On vérifie. Salut, c'est Maître Gims. Double fun. Bravo! Bravo Françoise! Yes! Tu vas recevoir l'album de Maître Gims, mais également pouvoir assister à son concert. Je suppose que t'aimes bien, tu kiffes, t'es en kiff devant Maître Gims. Je kiffe de Maître Gims. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, une chanson sort et ça correspond à ma situation. Ah bah quand tu vas tout donner, ne m'oublie pas alors. Hein. Allez, ça fait comme jamais en plus, c'est sympa. Ah, ça, je vais te taper comme jamais, c'est clair. Allez Françoise, on prend tes coordonnées hors antenne. Calme-toi sur le café Françoise. Je vais plus me calmer maintenant. Bon allez, félicitations à toi. Un grand merci à toute l'équipe, vous êtes super, je vous embrasse. C'est gentil, à plus bisous, tard. Bisous, ne raccroche surtout pas, prends tes coordonnées hors antenne. Bisous Françoise. Bye bye Françoise. Bisous, bisous. Allez, dans quelques minutes, on a encore des infos Kaufman jeux vidéo. Oui, on aura des infos jeux vidéo, on vous parlera non pas de la Mini NES qui sort en Europe, mais bien de la Famicom qui elle sort au Japon. Que voulez-vous, c'est que du fun, c'est international. Effectivement, on a encore des actus télé et puis la grande box Fun Radio dans quelques minutes. On a mis 4 places Astérix, 2 places de cinéma, des goodies jeux vidéo et une journée pour aller se détendre au Terme. Hein. Tu connais très bien cet au endroit. Au Terme de Grimbergen, ouais. Ouais, je vais sous le vent placer mon gros bide là-bas histoire de le détendre. Mon bidou. Oui, bien sûr, oui, mais fou, ouais, celui-là. Je suis pas fou, c'est rien. Voilà, j'ai un bide, je l'assume. Oui, bien oui, assume-le. Allez, le son d'explorer, ça continue avec Jonas Blue sur Fun Radio. European. Oh. 25. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dance. Dans l'Eurodance 25. Sur Fun Radio. Numéro 1. Chaque dimanche, de 18h à 20h, Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son dance floor. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés ? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes ? Mais c'est rapide, ça. Oui. Non, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Hello, moi c'est Jimmy Cracra. Vous savez ce que je fais avec mon huile moteur usagée après la vidange de ma bagnole? Fastoche, je la déverse vite fait dans le ruisseau. Bon débarras. C'est mauvais pour les poissons. Sans blague, quel poisson? Ne faites pas le Jimmy Cracra. Déposez vos huiles usagées au parc à conteneurs ou au point de collecte pour recyclage. Pour vous, c'est gratuit et pour l'environnement, c'est inestimable. Surfez sur valeurlube.be pour plus d'informations. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de champagne Duval-le-Roi pur chardonnay achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Fun Radio. Fun Radio. Sur Fun Radio. say when I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? So much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. Fun Radio. Hi, this is Ari Larson, and you're listening to my new single, Ain't My Fault. Oh, oh my, oh my, oh my, oh my. Fun Radio, je t'aime. It ain't my fault, you keep turning me on. It ain't my fault, you got me so gone. It ain't my fault, I'm not leaving alone. It ain't my fault, you keep turning me on. I can't talk right now, I'm looking at a lock. What I'm seeing, got me feeling kind of shocked right now. Couldn't stop right now, even if I wanted, gotta get it, get it, get it. Bye. quelques secondes, c'est Lost Frequencies qui débarque sur Fun Radio. Et là, on va faire un tu peux pas avec Kaufman. Je te donne des affirmations. Oui. À toi de me dire si on peut ou si on peut pas. Évidemment. Vous pouvez jouer avec nous, 30, 44, 50 centimes par envoi. Recevoir des pots de vin quand tu es policier. Est-ce qu'on peut ou on peut pas? Mais où ça? Ah bah, ça, je te dis pas. Bah, si tu me dis pas, c'est impossible à savoir. En Belgique, non, par exemple. En Belgique, non. En Corée du Sud. En Corée du Sud. Non. Non? Non. Eh bien, si. Eh oui, c'est légal. Ah, ils peuvent recevoir des pots de vin quand on est policier. Ça, c'est fou, ça, quand même. Hein. Ouais. Être champion du monde de Formule 1 sans avoir ton permis de conduire. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Tu peux. Eh oui, tu peux. Effectivement. On peut passer. C'est quand même fou. Le mec, il a une Formule 1, il n'a pas son permis de conduire. Mais il peut quand même. C'est un truc de malade, je trouve. Allez, on en fait une autre. Allez, sortir de chez toi sans culotte en Thaïlande. Tu peux ou tu peux pas? En Thaïlande, c'est même recommandé. Non, même pas. Tu peux pas. C'est interdit par la loi. Ah, bah, c'est pas vrai. Ouais, c'est interdit par la loi, mais le policier doit demander à vérifier. Il peut vérifier quand même si t'as pas de culotte. Mmh. Donc, c'est fou. Une dernière, te chatouiller et te faire rire. Est-ce que tu peux ou tu peux pas? Où ça? Bah, j'y chatouille toi pour voir. Non, on peut pas se faire rire. Et tu peux pas te faire rire. Il y a une défense. Et effectivement, il y a une défense. Il connaît tout celui-ci. Oh, quel talent, quel génie. Bah, je me chatouille tous les soirs, mais sans résultat. Ça fait 4 ans que ça dure. C'est un dur combat. Dans quelques secondes, le fun game, Kaufman. Oui, on vous parlera de la mini Famicom. Puisqu'en Europe, on a la mini NES. Bah, au Japon, ils auront la mini Famicom. Et on aura la grande box Fun Radio avec plein de cadeaux à l'intérieur et le son Dance Floor avec Lost Frequencies. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List. Yann sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Aux AP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici. Hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Vous n'avez pas envie de vous lever? Vous avez envie de faire la grasse matinée? Ça tombe bien, c'est que du fun, vous accompagne jusqu'à 10h sur Fun Radio. Anywhere you want to go, I follow. Sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel used. It's like we're running on fumes. A little broken, confused. But one thing I know for sure, ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Ain't giving up. Samedi en compagnie de Fun Radio, c'est que du fun, jusqu'à 10h avec le son de Môme. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et une dernière fois ce matin, pour se faire plaisir, votre dose d'actualité jeux vidéo qui débarque. Tu le savais, la Mini NES débarque bientôt en Belgique. Tu peux rappeler ce que c'est la Mini NES? C'est la NES, mais en mini, c'est-à-dire que c'est la console de Nintendo qui à l'époque était sortie en 1987. C'est une console 8 bits, donc c'est une ancienne console qu'on a en fait réduite. Ouais. Donc c'est un format mini et qui va sortir avec 30 jeux phares de l'époque. Tandis qu'au Japon, eh bien, elle n'a jamais existé. Cette NES, c'était la Famicom. Elle portait, c'était quasi des mêmes consoles, à peu de choses près. Sauf que, eh bien, au Japon, ils ont décidé forcément de ressortir une mini Famicom. Ok, ouais, ça va. Donc, c'est le site officiel japonais Nintendo qui a annoncé la couleur. Le constructeur Nintendo va sortir une mini Famicom. Cette nouvelle console au design singulier amènera avec elle également 30 jeux et sera commercialisée 55€. On est à peu près dans la même gamme de prix que la Mini NES. Je vais vous citer quelques jeux, hein. Si vous êtes gamer, ça va vous parler. Donkey Kong. Ah oui. Le Gorille. Mario Bros. Pac-Man. Galaga. Ouais. Legend of Zelda, Metroid, Castlevania, que du bon, du très très bon. Ah ouais, c'est bien ça. Si vous avez envie de commander cette console, ça se passera uniquement au Japon. Vous pouvez l'importer si vous avez envie, mais il va falloir trouver un moyen pour ce faire. Oui, c'est ça, ça va être dur à importer quand même, ça va coûter cher à l'importation. Bah, vous allez quasiment payer les frais d'importation plus les frais d'envoi, vous allez en avoir pour à peu près 40-50€. Ouais. Ok, d'accord. Merci Kaufman pour cette info. Il nous reste 20 minutes d'émission et à la fin de l'émission, vous le savez, le samedi, le dimanche, 7h-10h, fin d'émission, c'est la grande box Fun Radio. On a mis plein de cadeaux, elle n'est toujours pas gagnée. Il y a 4 places pour Astérix, il y a 2 places de cinéma, il y a également des goodies jeux vidéo. On a mis aujourd'hui les termes Grimbergen. Des places pour aller vous détendre, vous relaxer aux termes de Grimbergen. C'est un peu l'instant, le moment détente que vous allez pouvoir passer. Alors la Big Box, le principe est simple. On appelle quelqu'un au hasard dans toute la Belgique. La personne décroche. Elle répond à la question qui vous offre le plus de cadeaux. Elle répond Fun Radio. Ouais. Et puis c'est bingo, c'est gagné. Ah oui, elle gagne tout, ça va tomber avant 10h. Restez bien là, il y aura aussi le Sundance Floor avec Môme. week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique. Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs. 20h, c'est Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 3h du mat. Avec Steve Aoki, Quintino, Tom Swoon, Riab, Nervo, Fede Legrand et Nicky Romero. Party Fun. Welcome. Bienvenue dans le plus grand club de Belgique. 20h, 3h du mat. Sur Fun Radio. Comment bien manger quand... On veut un tout petit peu d'originalité. Alors rien de tel que du cabillaud. Du cabillaud? Mais il n'y a rien de plus classique. Pas forcément. Si vous le préparez enroulé dans du prosciutto ou cuit au four avec un petit pesto maison... Ou alors avec une couche de mozzarella fondue par-dessus. Par exemple, là je vous le garantis, le cabillaud d'Islande est délicieux et original. Mmh. Et en promo? Tout à fait. Jusqu'au 5 octobre chez Deleuze, les filets de cabillaud sont à moins 25%. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Même le week-end, c'est que du fun sur Fun Radio. Something gold, so you wrap it all up and take it home. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. Something more. On Fun Radio. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Quel plaisir d'être avec vous tous les week-ends, 7h-10h, c'est que du fun. On continue le son dance floor avec Mo. Et par SMS au 3044, on nous envoie quand arrive la box. Elle arrive dans quelques secondes. La box contient 4 places pour le parc Astérix, des goodies jeux vidéo, 2 places de cinéma et une journée détente au terme Grimbergen pour 2 personnes. On va appeler quelqu'un au hasard dans quelques secondes. Là, je vous promets, ça arrive dans quelques secondes. C'est des magnifiques cadeaux qu'on a, Kaufman. On appelle au hasard, hein. C'est vraiment un pur hasard. Ah oui, c'est le seul jeu où vous n'avez pas besoin de participer. C'est nous qui nous chargeons de tout. Donc, si vous voyez numéro privé sur votre téléphone, que vous êtes peut-être encore en train de dormir sous les draps, eh bien, décrocher, c'est la Big Box, c'est Fun Radio. Effectivement, décrocher, tout ça, ça se passe juste après Mo sur Fun Radio. Waouh, vous avez une nouvelle cuisine au design danois. Cher, non? Non, nous l'avons achetée chez Kvik. Donc elle ne t'a pas coûté une fortune? Non. Et pas non plus pour ce plan de travail en chaîne massif? Absolument pas. Eh oui, c'est incroyable ce que vous recevez pour votre argent chez Kvik. Ne manquez pas les appareils Bosch gratuits. Offre en quantité limitée. Donc rendez-vous dans votre magasin Kvik le plus proche dès aujourd'hui. Kvik, une superbe cuisine à la portée de tous. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Tadam ! C'est moi, Hip. Vous voulez des prix incroyables ? Alors profitez des offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. Par tranche d'achat de 100 € au rayon multimédia, recevez... un bon d'achat de 20 €. Venez vite, cette offre géniale se termine aujourd'hui. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, le Père Noël existe. Et les plus grands hommes sont toujours vivants. Je vous ai compris, grâce à mon nouvel appareil auditif. Même plus vivant que les vivants. I have a dream, sur mon nouveau matelas. Et plus éloquent que les comédiens. Ich bin ein Hamburger. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. A weekend, watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, yeah, feel together, be real together and no one can stop. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. I

did it my way. Fly way, two-faced. But in my heart, I understand. I made my moon, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Dans quelques secondes, c'est The Parakeet qui débarque sur Fun Radio. C'est le moment de jouer à la grande box. La grande box est bien remplie cette semaine. 4 places pour Astérix, Zegoudi jeux vidéo, 2 places de cinéma et une journée détente au terme Greenbergen pour 2 personnes. On va appeler au hasard en Belgique. Si la personne, répond Fun Radio à la question quelle radio t'offre le plus de cadeaux, c'est gagné. J'ai tiré déjà des numéros au hasard, Kaufman, mais je te demande encore de choisir. La ligne 3, s'il te plaît. La ligne 3, allez, c'est parti. On appelle au hasard. Ça peut tomber chez vous. Décrochez si ça sonne chez vous. Et répondez Fun Radio surtout, c'est très important. Allez, on appelle, il est bonjour. Bientôt 10h. Vous êtes bien chez le dentiste Brûlé. D'accord, okay. C'est un dentiste. Ok, hop, on va rappeler quelqu'un d'autre, attends. On appelle au hasard en même temps. Il y avait une carie, t'aurais pu laisser un message. On prend des numéros au hasard. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti, le standard. En train de composer le numéro. Ah, il y a de la tension avec cette beatbox. Ah oui, grosse tension. Allez. Est-ce que quelqu'un va répondre? Il est 10h. On est en direct sur Fun Radio. On va laisser encore 2 sonneries à la personne. Plus qu'une. Bonjour. Et c'est la donc c'est perdu, on la retentera demain. Cette grande box Fun Radio, elle est bien remplie, donc ça peut encore tomber chez vous. Décrochez, s'il vous plaît, décrochez quand on vous appelle, c'est important, parce qu'on a plein de cadeaux. Nous, on se donne rendez-vous demain, Kaufman. Demain, 7h-10h, on est de retour dans C'est que du fun. Et dans quelques secondes, c'est Anto qui prend le relais pour du